Chapitre 354. L'interdiction pour la femme de porter le deuil plus de 3 jours, sauf pour son mari, dont le deuil dure 4 mois et 10 jours. 1774. Zainab bint Abu Salama, radiallahu anhuma, rapporte « J'ai rendu visite à Habiba, radiallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, à la mort de son père, Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu. Habiba demanda du parfum composé notamment de plantes odoriférantes jaunes qu'elle appliqua à une esclave avant de s'en passer sur les joues. Puis elle dit « Par Allah, je n'ai aucun besoin de parfum, mais j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, déclarer du haut de sa chair, mimbar, « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil au-delà de 3 jours, sauf pour son mari, dont le deuil dure 4 mois et 10 jours. » Zainab poursuivit. Plus tard, je me suis rendu chez Zainab bint Jahsh radiallahu anha lorsque son frère mourut. Elle demanda qu'on lui apporte du parfum qu'elle s'appliqua en disant « Par Allah, je n'ai aucun besoin de parfum. » Mais j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire sur le mimbar, il est interdit à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil plus de 3 jours, sauf pour son époux, dont le deuil dure 4 mois et 10 jours. Al-Bukhari et Muslim.